Quand le film est triste, ça me fait pleurer. Ce soir j'ai du travail, elle m'a dit, sors sans moi. Je m'en suis allé tout seul au cinéma. Les actualités venaient de commencer. Passer tous les deux sans me voir. Et devant moi, ils sont venus s'asseoir. J'ai cru mourir, ils se sont embrassés. Du dessin animé, moi j'ai pleuré. Oh, quand le film est triste, ça me fait pleurer. Oh, quand le film est triste, ça me fait. Mes larmes m'ont posé des questions.